si tu passes là-bas vers le nord. Où les vents soufflent sur la frontière, ben, n'oublie pas de donner le bonjour. Fille qui fut mon amour, si tu croises les troupeaux de rennes, vers la rivière à l'été finissant, assure-toi qu'un bon châle. Du froid et du vent, a-t-elle encore ses blancs cheveux si longs, qui dansaient jusqu'au creux de ses reins, a-t-elle encore ses blancs cheveux. Que je l'aimais bien, je me demande si elle m'a oublié, moi j'ai prié pour elle nuit et jour, dans la lumière des nuits. Le froid du petit jour. Sur la frontière, ah, n'oublie pas de donner le bonjour. À la fille